Aujourd'hui, chers auditeurs, nous finissons notre semaine consacrée à la démocratie et ses critiques, que nous avons intitulée « La démocratie en question » avec cette émission « Que veut la gauche ?» Légitimité, tac-tac-tac-tac, unité, tac-tac-tac, efficacité, tchac-tchac-tchac. Sinon, c'est la guerre. Reprenez la deuxième partie du discours. Faut enlever tout le gras. Il ne faut que du muscle, du tendon, du nerf. 1. La responsabilité. On ne peut pas laisser une crise sans réponse. 2. L'unité. Aucun pays ne peut à lui seul résoudre les problèmes du monde. Et 3. L'efficacité. Pourquoi l'efficacité? Parce qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est l'action. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Stabilo! Tchac! Stabilo! Tchac! Responsabilité. Unité. Efficacité. De Gaulle a dit « Je salue New York, principal centre des échanges. » Légitimité, tac-tac-tac. Unité, tac-tac-tac. Efficacité, tchac-tchac-tchac. Sinon, c'est la guerre. Vous avez sans doute reconnu le personnage Alexandre Taillard de Worms, ce ministre des Affaires étrangères flamboyant du film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Mais la légitimité, l'unité et l'efficacité suffisent-elles à elles seules à mener une politique juste, c'est-à-dire une politique par et pour le peuple? Comment la gauche traditionnelle, qui semble avoir toujours soutenu le principe démocratique, a pu formuler les critiques les plus acerbes contre la démocratie telle qu'elle s'est déployée dans nos pays occidentaux durant ces deux derniers siècles? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Yann Moulier-Boutan, essayiste et économiste, professeur de sciences économiques à l'Université technologique de Compiègne, enseignant d'économie et de culture européenne à l'Université de Shanghai et co-directeur de la revue Multitude. Il est l'auteur de nombreux articles et de nombreux ouvrages, dont L'abeille et l'économiste, paru en 2010 aux éditions Carnet Nord, et Liberté, égalité, blablabla, paru en 2012 aux éditions Autrement. Bonjour Yann Moulier-Boutan. Bonjour, Anastasia. Alors, on a vu hier avec Olivier Dard à quel point le terme de conservateur recouvre des phénomènes et des idéologies épars et différents. Il en va naturellement de même lorsque l'on parle du camp progressiste, de la gauche. Alors, au plus large, c'est quoi la gauche? Et quand même un peu plus précisément, c'est quoi la gauche en France? C'est quoi être de gauche en France? Alors, à mon avis, être de gauche en France, c'est tout d'abord tenir fermement aux valeurs de responsabilité sociale, de l'État, de la justice, de l'égalité plus que simplement l'équité. Ça, c'est déjà une base. Mais c'est deuxièmement aussi penser cela dans toute sa complexité et ne pas se satisfaire de choses qui sont devenues un peu du blabla. L'invocation au peuple, l'invocation dans les mairies, dans les écoles, liberté, égalité, fraternité, on s'aperçoit que souvent elle est devenue vide. Elle est devenue vide, c'est devenu insignifiant vide, quelque chose que les gens répètent. Alors liberté, on dit que les Français sont acharnés défenseurs de la liberté, c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'égalité et qu'en est-il particulièrement de la fraternité? La fraternité, ça se monnaie aussi concernant l'hospitalité, les migrants qui arrivent, des choses qui nous révulsent, comme le fait que, par exemple, la police détruise les points d'alimentation d'eau sous prétexte que ceux qui s'y alimentent ne sont pas en situation régulière en France. La fraternité, c'est aussi penser aux mal logés, aux maisons qui s'effondrent, penser et agir. Quant à l'égalité, vous voyez bien que l'égalité, beaucoup de gens la sentent bousculée. Ils la sentent bousculée comme la vieille critique marxienne l'avait dit, à savoir que si l'égalité est purement formelle, que c'est une petite chose que l'on fait, une formalité où tout le monde, chaque homme vaut une voix, chaque homme et chaque femme vaut une voix, une fois tous les 5 ans ou à chaque élection, c'est peu. Donc, je pense que l'idée de ceux qui encore se disent de gauche, c'est d'essayer de faire vivre cela, mais de faire vivre cela à l'aune des transformations phénoménales que nous connaissons du point de vue économique, du point de vue de la mutation de l'action de l'État et aussi du point de vue des moyens que nous donnent les nouvelles technologies. Si vous regardez la mobilisation des gilets jaunes, c'est à la fois la structure urbaine, l'étalement urbain, les ronds-points, et c'est la transmission via Facebook et via les réseaux sociaux. Donc c'est penser la gauche dans un nouvel environnement, et je dois dire que il y a beaucoup de travail à faire. Alors on va évidemment revenir sur tous ces phénomènes nouveaux dont vous parlez, qui sont absolument essentiels et qui sont des questions qui se posent d'ailleurs pas seulement à la gauche, mais aussi à la droite et à tout citoyen et à tout pays aujourd'hui, à toute nation. En revanche, je voulais revenir sur cette devise qui est très intéressante, liberté, égalité, fraternité. Vous dites liberté, égalité, blablabla, c'est le titre de votre dernier livre. Néanmoins, est-ce que vous pourriez dire qu'il y a cet effet de balancier un peu, que quand on est plutôt à droite, on privilégie la liberté un peu au détriment de l'égalité, et quand on est à gauche, on privilégie plutôt l'égalité au détriment de la liberté, avec cette idée qui est que du coup, il y a une forme de contrainte qui est exercée. Non, alors je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que ça c'est le vieux dilemme dans lequel on veut enfermer la gauche. Si je pense que il s'agit d'un conditionnel, la liberté est un inconditionnel de départ. Toute limitation aux libertés de l'être humain, des droits de l'homme, dans toute son extension, fait que l'on bascule dans autre chose qu'un régime de démocratie. Donc c'est un inconditionnel. Mais il est faux de dire que on ne peut avoir de l'égalité qu'au détriment de la liberté. Jamais, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution de 89, il n'a été dit que ma liberté est le droit de faire ce que je veux en m'asseyant sur les autres. Hein ? Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc il y a une règle de composition de toutes les libertés, et ce que je défends, ça n'est pas que la liberté ne peut est limitée par l'égalité, c'est que on n'obtient pas d'égalité sans liberté, mais que la véritable liberté ne s'obtient que dans une société qui est ressentie comme égale, juste, et pas seulement l'égalité des chances au départ, mais j'allais dire l'égalité continuée. Et pour cela, et c'est en ça que je me rattacherai au principe de la vieille gauche historique du temps où elle était humaniste, ce qu'elle a cessé d'être depuis belle lurette, sauf en parole, c'est-à-dire que ce souci de l'égalité dans la liberté, ça n'a pour but, pour couronnement, que la fraternité. Si on n'a pas cette idée de fraternité, on est dans un monde du calcul où tu me donnes un petit peu de liberté, je te donne un petit peu d'égalité, et on va discuter comme des chiffonniers, et en fait on ne va satisfaire aucun des deux. Je pense qu'il n'y a pas de liberté totale s'il n'y a pas une forte dose d'égalité et surtout de fraternité. Et ce que vous dites du coup, c'est que la conception que vous avez de la liberté, c'est une conception d'une liberté collective, qui est assez loin, il me semble, de la liberté individuelle, pour le coup, alors, promue par les libéraux, par exemple. Alors, la liberté individuelle, c'est une conquête extrêmement importante, à la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, de l'individu face aux ordres de l'Ancien Régime, face à toutes les contraintes qui pouvaient être, pas simplement celles qu'on essaie noble ou pas noble, qu'on essaie avec une cuillère dorée dans la bouche ou pas, avec une particule, mais c'est aussi qu'on essaie avec des chances 10 fois plus grandes que les autres, mais cette égalité, elle s'obtenait comme l'égalité d'individus au milieu, parmi d'autres individus libres. Si l'individu devenait libre... Oui, c'est ça, c'est une conquête collective. Au détriment de la liberté des autres, on bascule à ce moment-là dans un régime qui très vite peut devenir un régime très autoritaire, très limitatif, etc. Et La liberté, je disais, c'est inconditionnel, c'est un inconditionnable. C'est une chose par laquelle tout commence. Mais ça doit, le but, c'est un moyen, je dirais, la liberté. Le but, c'est le bien commun, le bien collectif, l'intelligence collective, et c'est là-dedans que se réalise la fraternité. Et en même temps, ce but de bien ou commun... Ou la sororité, parce que je n'aime pas trop la fraternité. Je vais dire, on aurait dit la sororité aussi aujourd'hui, en abandonnant le côté un petit peu machiste de la... il ne faut pas oublier que la Révolution française ne donne pas le droit de vote aux femmes et qu'il va falloir attendre très très tard après la Libération, hein, donc en 1946-47, pour que les femmes votent, hein, en Angleterre un peu plus tôt. Mais il ne faut pas oublier que la moitié des femmes, la moitié de l'humanité était privée de la possibilité de participer à la vie politique. Alors vous parlez de ce but de bien commun et en même temps on sait très bien que les manières d'arriver à ce bien commun sont fort différentes selon les différents courants, y compris à gauche. Comment est-ce que vous définiriez les grands courants justement de la gauche à partir de la Révolution française et jusqu'à aujourd'hui ? Alors... Il y a les courants, si vous voulez, qui d'ailleurs sont bien antérieurs à la Révolution française, mais à la, quand même la Révolution anglaise, par quoi tout commence, y compris la déclaration, le Bill of Rights de 1689, mais surtout la Révolution de 1644. Et si vous voulez, il y a un premier mouvement de forte poussée égalitaire qui sont les niveleurs, hein, qui veulent niveler les têtes qui dépassent, les fortunes qui dépassent, qui veulent répartir au prorata du nombre de la population, etc., avec l'apparition d'une notion très importante qui va être la justice, non pas distributive, mais commutative, ou la justice transitive. Alors, ce qui est très important, c'est que... C'est quoi la différence entre la justice distributive et la justice commutative ? Si vous voulez, Beccaria a écrit le traité des peines, des délits et des peines. C'est très important au 18e parce que avant, vous commettez un acte, par exemple un meurtre, vous tuez le roi, vous tuez un noble, vous tuez un manant, ça n'est pas tarifé de la même manière. Parce qu'on fait attention à la personne dont vous avez privé le restant de la société. Donc vous savez bien que le régicide était condamné à être écartelé vivant, roué vivant, écartelé, qu'un noble avait le droit, le privilège d'être décapité, qu'un manant était pendu. Bref, vous accordiez les délits en fonction non pas de la nature du délit qui donnait un tarif avec des marges, et qui était après singularisé selon le profil personnel de chacun, c'est ce qui se passe dans nos tribunaux, mais vous attribuiez des prix des délits différents selon l'importance de la personne qui avait été éliminée. Bon, alors la conquête de la liberté, si vous voulez, qui s'est faite contre le poids, je dirais non pas des castes mais des ordres, a posé en avant une liberté individuelle. Alors on parle surtout de la société masculine, malheureusement, pas tellement de la société féminine malgré Olympe de Gouges et quelques féministes dans la Révolution française, mais on pose que l'individu est une valeur en soi, c'est le citoyen, et on va essayer de regarder ce qui se passe après pour que cet individu puisse s'exprimer, qu'il puisse se réunir, qu'il ait le droit de circuler, liberté de circulation, très importante, qu'il ait le droit de ne pas être incarcéré pour un oui et pour un non, d'où l'attaque contre l'arbitraire de l'emprisonnement, de l'embastillage par le roi, hein, sans procès préalable, etc. Donc, il y a une forte affirmation, si vous voulez, de l'égalité comme condition primordiale pour qu'après, on puisse avoir des objectifs de justice. Mais très rapidement, la gauche va se différencier entre ceux qui veulent aller vers une égalité tout de suite, et ceux qui vont dire « oui, mais c'est compliqué, il faut d'abord produire le gâteau pour le partager ». Donc vous diriez entre les révolutionnaires et les réformistes. Voilà, entre eux, si vous voulez, ceux qui veulent que la révolution aille toujours plus loin et qui vont être amenés, tels Robespierre, Saint-Just, qui pondent quand même une constitution extrêmement égalitaire, qui ne sera jamais appliquée, et ceux qui, au contraire, sont beaucoup plus, entre guillemets, réalistes, Et ce grand affrontement va se poursuivre tout au long du XIXe siècle, et il va prendre la forme que l'on connaît, qui nous a été léguée et qui s'estompe aujourd'hui un peu. C'est ceux qui veulent, qui posent qu'il faut d'abord une révolution politique. Si vous voulez, il faut décapiter, c'est un terme qu'on a vu refleurir récemment, pour réaliser la justice sociale et la fraternité, ce qui est une drôle de conception, et ceux qui veulent au contraire, ceux qui disent non, il faut transformer le système, il faut le transformer à tous les étages. Et après, on va avoir des affrontements entre les possibilistes, ceux qui veulent faire ce qui est possible, les révolutionnaires, anarchistes, marxistes révolutionnaires, bolcheviques, dès qu'il va y avoir la révolution bolchevique, et ceux qui vont être, grosso modo, les sociaux-démocrates, qui vont tenter des aménagements, des accommodements, des transformations du système pour que les plus pauvres aient plus de chances, que les pauvres s'enrichissent un peu et que les riches ne soient pas expropriés fortement, aussi durement que le voudraient les révolutionnaires, notamment bolcheviques et des révolutions communistes. Voilà. Cette grande partition, si vous voulez, après va se distribuer. Le congrès de Bad Godesberg en Allemagne marque que la social-démocratie, qui n'est pas à l'époque les socialistes français, abandonne le dogme que c'est seulement par la lutte de classe qu'on y arrive, prône la participation dans les instances du capitalisme, y compris les entreprises, dans l'État, et veulent adoucir, améliorer le système. Puis, petit à petit, avec la mondialisation, pratiquement tous les régimes, y compris d'ailleurs certains régimes communistes, et puis finalement tous les régimes, reconnaissent que le marché capitaliste est très difficile de le supprimer d'un trait de plume. Vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre. Ou alors vous tombez dans une dictature dont personne ne veut, etc. Donc c'est ça les grands affrontements qui s'organisent de 1789, j'ai envie de dire à 1989 avec la chute de l'Union soviétique. Ah, on va parler de ce qui se passe après la chute, on va évidemment parler d'actualité. Mais d'abord, pour être bien d'accord, c'est toujours un rapport au capitalisme en fait. La gauche se définit toujours par rapport au capitalisme, soit en rupture radicale, donc c'est-à-dire en volonté d'en finir avec le capitalisme, soit par accommodement en essayant de le rendre moins violent. Alors, vous avez, j'allais dire, une rhétorique de la gauche depuis très longtemps, notamment de la gauche française qui adore la rhétorique. N'oubliez pas que le père spirituel de toute la gauche, et y compris maintenant de la droite qui aime se draper dans les oripeaux de tout ce qui peut faire patrimoine, c'est-à-dire Sarkozy, et Jean Jaurès. Et Jean Jaurès est un tribun exceptionnel, un rhéteur magnifique, etc. Bon. Et donc qui gagne dans les mots, qui adore les mots. Bon. Et donc l'idée quand même, c'est que la gauche affirme sa volonté de rompre avec le capitalisme. Alors, rupture avec le capitalisme, rupture avec les riches, rupture avec la finance. Depuis un demi-siècle, vous avez toutes les variantes. La rupture est, je dirais, d'autant plus violemment affichée en mots qu'elle est peu pratiquée. Elle est peu pratiquée, là-dessus la droite, sarcastiquement, a raison de noter que Mitterrand se fait élire sur un programme de rupture avec le capitalisme. Et dès 83, il est rappelé à l'ordre par la réalité, et finalement, il va, après un mouvement de nationalisation très très fort, il va rétro-pédaler fortement, et il va commencer à aller en arrière. François Hollande se fait, Lionel Jospin lance aussi, sous la cohabitation, ce qui est plus difficile, un régime de rupture, et pourtant c'est sous Lionel Jospin que l'actionnariat, les formes d'actionnariat les plus modernes sont introduites dans les entreprises. François Hollande lance « Je n'aime pas la finance » et se lance dans une diatribe qui fait espérer aux gens qu'il va y avoir une véritable rupture de ce côté-là, et on sait ce qu'il en advient. Je dirais que Macron est le premier à avoir cassé le tabou de la gauche et dit « ça n'est pas vrai, il vaut peut-être mieux aménager fortement le capitalisme, donc être dans le peloton de tête des pays de la globalisation, de la mondialisation pour améliorer le sort des gens dans la grande tradition possibiliste que de prétendre qu'on va renverser la table, sachant que la table n'est plus une table nationale, c'est une table européenne. Nous sommes dans un ensemble de à peu près 500 millions d'habitants et on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas dire demain matin, quand bien même il y aurait les sans-culottes à Paris, on ne peut pas faire grand-chose. La gauche, en 24, avait tenté, elle s'était heurtée au mur de l'argent. C'est pas la première fois, le Front populaire, 47, 48, etc. Donc on ne peut pas, si vous voulez, la gauche a tendance à vouloir proclamer une rupture qu'elle ne fait pas dans les faits. Mais ça serait pas grave si la transformation qu'elle obtenait permettait aux gens de dire, bon, on n'a pas la rupture avec le capitalisme, mais on a quand même quelque chose de tellement amélioré que c'est moins insupportable. Or, si vous voulez, si vous passez votre temps à dire, oui, la rupture avec le capitalisme, bien entendu, et que dans les faits, vous faites exactement le contraire, ou que les gens ne voient aucune différence avec ce qui précède, vous attisez une colère et une rage froide considérables, considérables. Alors, en même temps, on a l'impression que la critique est une critique purement économique. On a l'impression que la politique, très souvent à gauche, se réduit aux questions économiques. Alors peut-être qu'elle ne se réduit pas aux questions économiques, peut-être qu'il y a justement fusion entre politique et économie, et que c'est justement ça, quelque part, l'ADN de la gauche. C'est-à-dire qu'on ne résout rien en politique si on ne pense pas à l'économique. Et en même temps, dans ce cas, quelle peut être une position de gauche sur la démocratie qui, là, pour le coup, le croire, en tout cas au départ, est une question strictement politique. Alors j'y viens, le péché mignon de la gauche, c'est l'État. C'est-à-dire, se plaçant sur l'alternative que vous soulignez la dernière fois, enfin au début de l'émission, liberté ou justice sociale, on va dire qu'on va limiter la liberté individuelle de l'employeur, du capitaliste, du riche, du rentier, etc., avec un État très fort et tout puissant. Et donc la gauche a une petite propension philo-étatique considérable dont elle a beaucoup de mal à se guérir. Je ne critique pas en soi l'État simplement, mais je dis que ce qui est très important, c'est que l'État, hein, le gros animal, comme disait Platon déjà, est quelque chose qui a une fâcheuse tendance à tourner sur lui tout seul, à oublier sa fonction, et je dirais, en reprenant un terme de Lénine, que sa fonction est de se faire le plus petit possible et de s'éteindre. Et du coup, si vous voulez, ça donne une sorte d'omnipotence de l'État qui, combinée avec la caractéristique jacobine de la Révolution française, n'aide pas les choses. La clé, le mot-clé, c'est démocratisation de l'État. Et démocratisation de l'État, ce qui veut dire que la France rompt avec, par exemple, un système éducatif qui a été très très bon pour fabriquer des élites qui représentaient 1% des 10 ou 15% de la population alphabétisée, et puis un tout petit peu plus après. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans une société où vous allez avoir 90, 95% des gens qui vont atteindre un niveau supérieur au baccalauréat, où les moyens technologiques qu'ils manipulent toute la journée, où le niveau d'information qui circule est très fort. Comment faire que l'éducation transforme, améliore, non pas les petits 10% ou les 20% privilégiés ou les 35% de bourgeois, mais qu'elle ne laisse pas sur le carreau 70% du peloton? Et c'est ça la démocratisation. Comme dans l'appareil d'État, le problème fondamental de la France n'est pas d'avoir une haute administration compétente, etc., que tout le monde nous envie et blablabla et blablabla, c'est de voir comment fonctionne notre échelon de démocratie locale. Et là, je pense que le bilan n'est pas bon. Si nous regardons ce qui s'est pratiqué dans les pays issus de la réforme protestante, que ce soit le canton de Genève, que ce soit les Hollandais, que ce soit les Britanniques, nous voyons que nous avons une fâcheuse tendance, non pas à la démocratie, mais à la République. Et la République, c'est le maire essaime son écharpe, il peut s'entendre avec les notables, le bon peuple est là, mais on a 35 000 communes, comme la France avait 300 fromages. Souvent, ce sont des réalités économiques qui ne tiennent plus vraiment debout. Et au lieu d'activer une démocratie de base, renforcée par des procédures de discussion larges, reposant sur des gens qui ont été éduqués, qui continuent de s'éduquer, auxquels, en utilisant les moyens extraordinaires de l'audiovisuel dont nous disposons, hein, il devrait y avoir une télévision par matière à enseigner, au lieu de financer des télévisions qui sont des clones des télévisions privées. On devrait faire un effort d'éducation gigantesque, et avec ça, on peut faire vivre une vraie démocratie. C'est-à-dire de discuter collectivement, de miser sur l'intelligence collective, autour de problèmes, d'abord de problèmes d'intérêts locaux, immédiats, ensuite de monter à d'autres choses, mais en tout cas, par la qualité de ce qui se passe à la base. S'il n'y a pas ça, les procédures, par exemple, comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, propulsé jusque au sommet d'un référendum national sur des questions internationales ou qui entraîne carrément la Constitution, ne veut rien dire. C'est-à-dire que quand on n'a pas la démocratie à la base, quand on n'a pas la démocratie de l'éducation, quand on n'a pas la démocratie qui est le droit pour les gens de s'habiller, de se vêtir, de soigner leurs parents, etc., de faire tout ça, et à mon avis, tant qu'on n'appuie pas ça sur un revenu d'existence, on n'y arrivera pas. Mais tant qu'on n'a pas ça, qu'est-ce que donne cette volonté de consultation? Elle donne des plébiscites. La gauche a été, pendant un siècle après la Révolution française, farouchement hostile au plébiscite, parce qu'il se souvenait que c'est comme ça que Napoléon est devenu empereur, parce qu'il se souvenait que c'est comme ça que Napoléon III, élu président de la République, est devenu empereur, parce qu'il se souvient que le référendum dit populaire est un plébiscite. Autrement dit, vous fabriquez, l'État se fabrique un peuple, je dirais, à son image. Un peuple, comme le tsar Pierre Ier de Russie, régnant sur une bande de moujiks analphabètes. C'est fini, ça. Il faut passer à autre chose. Il faut inventer ça modestement, et pas avec la France, pays des droits de l'homme, nous savons tout, qu'on aille regarder un peu ce que font tous les pays européens. L'Estonie sur la question de la résilience numérique, la Hollande sur la consultation locale, etc. Et en même temps, il y a une vraie tradition philosophique en France, de critique aussi de la représentation, l'idée de dire que la souveraineté ne peut pas être représentée. Je vous propose d'écouter un extrait du Contrat social de Rousseau. Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. Mieux l'État est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privés dans l'esprit des citoyens. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées. Sous un mauvais gouvernement, nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre. Parce que nul ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu'on prévoit que la volonté générale n'y dominera pas, et qu'enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pires. Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'État, que m'importe, on doit compter que l'État est perdu. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre. Il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Alors c'était un extrait du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, lu par Georges Claisse. Yann Moulier-Boutan, voilà, là, on a un texte qui est quand même assez explicite, et c'est vrai qu'il y a une tradition philosophique française, on le disait, d'une espèce de méfiance vis-à-vis de la représentation, une certaine idée aussi très française de la volonté générale. Oui, alors, à mon avis, ce texte est vraiment le rassemblement, c'est un texte extraordinaire, parce qu'on peut dire que Rousseau pense absolument l'ingouvernabilité permanente comme état de... j'allais dire non pas comme état de nature, mais comme état de culture politique. Alors, plusieurs choses. Je commencerai peut-être par la souveraineté. Ce que l'on apprend, je pense que le concept de souveraineté est une traduction, trahison, du concept des Lumières d'autonomie. D'autonomie, c'est-à-dire de dépendre de ses propres forces, de son jugement, et de ne pas être dépendant d'autrui, et d'avoir choisi ce que l'on se choisit comme destin. La souveraineté, dans la vision de Rousseau, le moment où c'est cité, fait partie, si vous voulez, joue dans la philosophie contractualiste de Rousseau le même rôle que joue chez Locke, chez les philosophes du XVIIe puis du XVIIIe, les philosophes essentiellement Locke et Hobbes, l'état de nature. Je dirais c'est l'état de culture dans lequel il n'est pas de représentation possible. Et pourtant, en dehors, autrement dit, de l'action de la démocratie directe du canton de Genève. Des affaires où tout le monde vole aux assemblées, discute, est passionné. Ce qu'on pourrait voir, alors, au niveau local, dans les pays protestants qui se géraient, le Conseil de Genève notamment, avec une culture extrêmement égalitaire entre les citoyens, même si c'était seulement les hommes, rabâchons cette idée très importante, mais c'était une démocratie, si vous voulez, locale, très active. En fait, ce que vous dites, c'est que le peuple peut être totalement souverain, mais seulement à un niveau local, et qu'à partir du moment... Attendez, j'ai pas fini ma démonstration, si vous le permettez juste un instant, c'est que ce même moment de démocratie locale qui vit, où il n'y a pas de problème de représentation. Vous le notez, Rousseau le dit. Parce qu'au fond, on est sous le régime de la révocation permanente, de la représentation permanente. C'est un régime qu'on connaît dans des périodes privilégiées, mai 68, le régime d'assemblée tous les jours, la phase active de la Révolution française qui dure 2 ans et demi, 3 ans. Mais, si vous voulez, après, Rousseau va expliquer que pour des grands pays comme la France, il faut un souverain, il faut un monarque, il faut un pouvoir exécutif. Donc voilà à nouveau qu'on va réinvestir, si vous voulez, on va mieux accorder au peuple local pour, au fond, se confier au souverain. Ça, c'est la première réflexion que me suggère ce texte. Deuxième réflexion, à mon avis, importante, c'est le texte de Rousseau récuse les limites de la souveraineté. La souveraineté, pour Rousseau, est illimitée. C'est une idée dont Hannah Arendt a montré dans son grand livre, un de ses plus grands livres, Révolution, qu'elle n'est pas celle qui prévaut dans la Révolution américaine. La souveraineté, et les juristes l'ont suivi, la souveraineté ne s'exerce que dans des limites. Même l'État-nation, alors l'État monarchique absolu est limité par l'école des légistes, et le roi ne peut pas faire n'importe quoi, ça n'est pas vrai, même dans la théorie de la monarchie absolue. Ensuite, l'État-nation révolutionnaire ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a le concert des nations. Et aujourd'hui, je dirais que les États, Trump y compris, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ni M. Xi Jinping, ni l'Union européenne, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a la limite de la planète, il y a les limites écologiques. Donc toute souveraineté est limitée. Et donc c'est parce qu'elle est limitée qu'elle est délégable avec des formes de représentation qui peuvent être démocratiques, républicaines ou totalitaires. C'est ça la question. Et donc, il faut comprendre que si on admet le principe de Rousseau de la souveraineté illimitée de l'irreprésentation, Rousseau a raison dans sa dimension critique de ce que devient une démocratie avilie, un régime décadent, enfin Aristote aurait dit des formes décadentes des principales formes de gouvernement politique. Mais on ne peut pas se limiter à ça parce que la souveraineté est aujourd'hui fortement et limitée. La souveraineté de l'État-nation, il n'est plus d'État-nation qui soit souverain. Il y a les multinationales si vous êtes un économiste, il y a la construction européenne si vous êtes un Européen fédéraliste comme je le suis, il y a l'écologie si vous êtes un écologiste, que je suis aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi et ça n'est pas parce que M. Trump dira « l'Amérique est grande et je fais ce que je veux et j'emmerde le monde entier » qu'il résolvera le moindre problème. C'est parce que nous sommes dans un monde fini avec des circonstances à reconnaître. Voilà pourquoi aussi, autre principe, il faut que, s'il y a des formes de délégation de la liberté individuelle, de la souveraineté d'une communauté, que celle-ci soit réglée par des procédures extrêmement précise, ça s'appelle le droit, ça s'appelle le droit constitutionnel, ça s'appelle la hiérarchie des normes. Il faut que tout ça, ça se mette en route avec le souci que je disais dès le départ, non pas de créer des bulles, hein, mais avec le souci de faire vivre la démocratie à la base et de la faire remonter tout doucement et qu'elle perfuse, percole et qu'elle irrigue notre État qui trop souvent est ancien régime, notre administration qui est classique. Donc ce que vous dites, voilà. Alors, oui. Oui, ce que vous dites, c'est que donc ça n'est pas seulement une question de représentation ou de non-représentation de démocratie indirecte ou directe. C'est pas seulement une question de la manière en fait dont se forme la décision. C'est aussi énormément une question de contexte, et vous l'avez dit, le contexte a énormément changé après la chute du mur de Berlin. Quels sont donc ces nouveaux défis pour la démocratie et pour surtout la manière dont la gauche, pour quelle démocratie la gauche doit-elle se battre face à ces nouveaux défis ? Alors, je pense que, si vous voulez, de la même façon qu'il a fallu... Alors, je précise, hein, je dis la gauche, je précise quand même, je dis la gauche, Une vision transformatrice. Une vision, voilà. Transformatrice de la société, c'est-à-dire des gens qui veulent transformer la société en vue d'un bien commun autour duquel on pourrait se rassembler pourvu qu'on soit de bonne foi. Alors, une chose vraiment cruciale à souligner, c'est que, prenez la démocratie, c'est un gouvernement par, pour le peuple. Le pour est très important, c'est pas simplement le gouvernement par le peuple. Parce que vous pouvez très vite tomber dans la démagogie, flatter les pensées, etc. Or, il a fallu un siècle et demi, deux siècles, pour un peu limiter les pouvoirs de l'entreprise et d'un libéralisme échevelé. Il avait fallu quatre ou cinq siècles pour, domestiquer un peu les monarchies, les formes, la papauté, le césarisme, etc. Bon, là, aujourd'hui, nous avons autre chose. On est d'accord, l'opinion compte énormément. À l'ère des médias, à l'ère de l'information, l'opinion compte. Et les médias se sont transformés, notamment par le numérique et par les réseaux sociaux. Mais peu de gens savent que beaucoup de médias ne leur mettent pas, ils pourraient le faire, ne leur proposent pas une vision équilibrée de l'ensemble des questions, la totalité du panorama, comme vous pouvez le faire quand vous tournez vos yeux, mais leur proposent ce qui va leur envoyer le miroir d'eux-mêmes. Comment Google sélectionne ce que vous voyez ? Quand vous faites des recherches sur Google, les automates de Google enregistrent vos opinions, et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Hein. Facebook ne fonctionne pas autrement, tous les réseaux sociaux, Twitter. Ils regardent vos opinions, les représentations, ce que vous, au fond, défendez. Et ce qu'ils sélectionnent comme information, c'est des informations qui vous plaisent, qui vous renforcent dans vos idées. Donc on n'est pas dans la critique scientifique, ce qu'on apprend à l'école. Il faut, quand on a une hypothèse, la confronter à la réalité et elle pourra se briser sur des faits qui sont contraires. Là, dans le réseau social, par exemple, de Facebook, on ne va montrer à celui qui est un gilet jaune ou à celui qui les déteste, on ne va montrer que les choses qui vont dans son sens. Ce qui fait que les gens vivent dans des monades, aurait dit Leibniz, des bulles où ils sont enfermés. Et pourquoi ? Parce que ces réseaux sociaux sont payés, au fond, et se financent par le nombre d'heures que vous passez rivés sur l'écran. Si les gens, chaque fois qu'ils sont informés, trouvent des choses qui contredisent leurs envies, leurs désirs, leurs idées, leurs préjugés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils éteignent le poste, ils éteignent leur téléphone portable, ils ne se connectent plus. Donc, on les pousse à ça. Du coup, c'est le royaume des fake news. Et le royaume des fake news, en démocratie, ben ça donne l'élection de Trump. Ça donne les manipulations par les différents réseaux, dont certains peuvent être russes, d'autres peuvent être américains, des troisièmes, Dieu sait qui, de toutes les échéances démocratiques où les enjeux se jouent à 500 000, à 1000 voix près, à 1 million de voix. Et ça, c'est à portée des réseaux sociaux. Donc il va falloir que la gauche élabore un code de régulation. Pour mais ce que vous dites, c'est la démocratie ce que vous dites, est un exercice. Ce que c'est vous un dites... exercice, si vous voulez, éducatif. On dit aux gens qu'il faut qu'ils apprennent l'image, qu'ils critiquent l'image. Il faut qu'ils critiquent les réseaux sociaux. Il faut qu'ils critiquent le numérique pour en faire un véritable outil de démocratisation. Ce que vous dites, c'est plus grave même que juste. Alors bon, les fake news, c'est extrêmement grave, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme d'aliénation totale en fait par la machine qui vient avec le numérique. C'est-à-dire une décomposition tout à fait réelle de la société. Mais si les gens ne sont pas éduqués par le numérique, on est en train de former à l'Université de Technologie de Compiègne un institut des hautes études de la transition numérique. Si on ne forme pas les hommes d'affaires, les patrons, les citoyens à l'usage du numérique dans ses bons et ses mauvais côtés, les gens se font, même les plus technophobes, se font complètement avoir par un certain nombre de biais et que les anciens médias ont appris aussi à surmonter. Si vous voulez, la critique de l'image manipulée, maintenant n'importe quel journaliste sait qu'une image peut être manipulée. Le grand inquisiteur disait « Donnez-moi 20 lignes de quelqu'un, je vous le porte au bûcher ». Donc, la même chose pour le numérique. Donc, il faut vraiment que les gens s'emparent, s'approprient, mais qu'on les aide à s'approprier intelligemment du numérique pour aller vers une démocratisation de la société. Alors, vous disiez, la démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous disiez, pour le peuple, c'est quasiment plus important que par le peuple, tout en employant, tout en continuant à employer ce terme de peuple, qui est un terme très cher à la gauche et qui en même temps a pu être très largement remise en cause. Si je ne me trompe pas, même vous, c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup. Ce n'est pas un mot que Tony Negri aimait beaucoup. Non. Vous préférez, c'était son mot, multitude, c'est le nom de votre revue. Et en même temps, le peuple, on n'arrête pas d'en entendre parler. Là, depuis, avec les Gilets jaunes particulièrement, mais aussi depuis quelques années, le peuple, les élites, le peuple souffrant, c'est aussi une thématique, j'ai envie de dire, de la gauche traditionnelle. Oui, mais alors là, je pense que, si vous voulez, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est le peuple. Le peuple, c'est un concept problématique. Ça n'est pas un bouche-trou et quelque chose qu'on agite comme un petit drapeau. L'idée de faire peuple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple proleptique. C'est le peuple à venir. C'est la communauté de destin à venir. Donc, pour moi, il n'y a qu'un peuple, c'est le peuple européen. Le peuple français, je vais vous dire, ça ne m'intéresse plus. Les peuples des nations ne m'intéressent plus. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'idée de multitude que Hobbes avait déjà souligné ? C'est que les multitudes ne désirent pas être gouvernées. Elles ne désirent pas rentrer dans le contrat. Et ce faisant, elles s'avèrent une critique au scalpel et très incisive du vide, du creux, du populisme du peuple. Voilà, ça, ça m'intéresse. Et d'autre part, si vous voulez, il y avait dans l'arsenal de la gauche marxiste, il y avait des tas de différenciations, classe ouvrière, plèbe, lumpenprolétariat, bourgeoisie, machin. Il faut les faire revivre, en tirer le suc critique pour précisément, je dirais, être fidèle. Le vrai peuple se fiche du peuple. Le vrai... ça veut dire quoi, si ça, le vrai peuple se fiche du peuple ? Ça veut dire que ce qui, dans le peuple, est effectif du point de vue historique, les transformations sociales, les transformations des représentations, les transformations des désirs, des besoins, cette chose-là qui doit être explicitée, qui doit être auprès de quoi le système politique entier de la représentation doit se subir un aggiornamento, eh bien, ce peuple-là, si vous voulez, est la meilleure critique qu'on peut faire à une reprise du peuple par le populisme de droite, d'extrême droite, parce que je considère, moi, les réserves que j'ai à l'égard du peuple aujourd'hui ou de la nation, c'est que c'est un signifiant qui n'a plus grand signifié précis et qui, en fait, permet des manipulations et permet des glissements spectaculaires qu'on a vus du rouge au noir, du rouge au brun, et qui donne le populisme au sens le plus mauvais du terme, comme Rosan Vallon disait, le populisme veut renverser toutes les médiations. C'est du populisme. Le peuple, c'est beaucoup plus précis. Il cherche des gens qui vont représenter son désir de transformer ceux qui les représentent. Et donc, je préfère... Alors, j'ai employé peuple parce que tout le monde a ce... En France, on parle trop du peuple, on parle pas assez de l'Europe et du peuple européen, mais je pense qu'effectivement, multitude, interpellation plébéienne à propos des pays d'Amérique latine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots qui permettent d'enrichir le signifié et de se méfier du signifiant, de se méfier de cette espèce de mot-valise dans lequel on a de tout, y compris du Dieudonné et de l'Asselineau, qui ne veulent qu'une seule chose, c'est démolir l'Europe. Ça, je me méfie de ça. Mais au contraire, la volonté des gens de vouloir quelque chose de plus démocratique, de s'emparer des institutions, de voler aux assemblées s'ils se décident des choses et discutent des choses intéressantes, ça, c'est une chose... C'est l'intelligence collective. Et le numérique peut la rendre, la potentialiser extraordinairement. Alors, vous parlez d'Europe. Il y a quand même une critique très, très forte en ce moment sur le manque de processus démocratique en Europe. Alors, moi, je veux bien qu'on ne parle pas de peuple national, qu'on parle du peuple européen. Mais comment est-ce qu'on définit ce peuple si, premièrement, ce peuple ne se sent pas appartenir ? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, si ce peuple n'a pas l'impression de pouvoir décider à cet échelon-là, qui est l'échelon européen ? Non, alors, petite précision. Contrairement à ce que racontent les différents États, y compris la Pologne, la Hongrie, etc., les États populistes, l'Europe, dans ses mécanismes, est assez démocratique. La seule instance véritablement démocratique de l'Europe, c'est le Parlement européen. Parce que c'est des élections qui ont lieu le même jour, c'est des élections à la proportionnelle, et le pouvoir, la vraie question, c'est que le pouvoir du Parlement européen devienne plus fort vis-à-vis non pas tant celui de la Commission qui est une administration, mais surtout vis-à-vis de cette instance infernale qui a été créée par Valéry Giscard d'Estaing, qui est le Conseil de l'Europe, qui est une chambre avec des droits de veto pour les États-nations et qui sont une cochonnerie dont il faudra qu'on se débarrasse. Ce sera la vraie révolution européenne, la vraie. Parce que ça, c'est le conflit qu'il y a latent dans les institutions européennes. Mais dire que l'Europe n'est pas démocratique, je pense que ceux qui profèrent ces termes-là, d'abord, ils oublient que ce sont des États, tous élus selon les procédures dites démocratiques, qui nomment les gens à Bruxelles. Il ne faut pas faire de la fétichisation de l'élection. C'est pas parce que quelqu'un a été élu maire de Trifouilly-les-Oies par une bande de gens qui sont pas forcément très compétents, ni très, j'allais dire, à gauche, que lui, il a un mandat électif et que ça lui donne le droit de, j'allais dire, conchier les la représentation européenne. Ça n'est pas vrai. Le caractère, il y a beaucoup à faire sur le caractère démocratique de l'Europe, mais je dirais il y a encore plus à faire sur la démocratisation de l'État français. Il y a beaucoup plus à faire encore. Et sur le sentiment d'appartenance aussi. Alors, le sentiment d'appartenance, je vous signale que le sentiment d'appartenance ne se décrète pas. Le sentiment d'appartenance, si on avait dit en 1789 que la France, hein, on a parlé au nom du peuple français, le peuple français, comme a dit Braudel, il est issu des chemins de fer. Un siècle plus tard, l'unification. Il y avait je ne sais pas combien de patois, de langues, etc. Et aujourd'hui, le peuple européen est sensiblement plus intégré dans l'Union européenne que ne l'étaient les peuples de France, hein, les peuples de France en 1789. Donc, ne disons pas que le peuple européen n'existe pas, ni qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il en manque. Donc, on ne naît pas peuple, on le devient. On le devient. Propose d'écouter, pour terminer, une chanson de Renaud, « Société, tu m'auras pas », de l'époque où Renaud était de gauche. Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi, qui viendra après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains. J'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Il est 10h53, le temps de retrouver le journal de la philosophie présenté aujourd'hui par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien comme mieux vaut tard que jamais, je vous accompagne ce matin dans votre réflexion sur la démocratie, à partir du livre d'Achille Mbembe, Politique de l'inimitié, publié initialement en 2016 mais qui vient tout juste d'être réédité aux éditions La Découverte. Un livre qui commence par le constat selon lequel, en ce début de 21e siècle, l'inimitié est la forme principale du lien politique dans le monde. Un lien paradoxal, puisqu'il est présenté comme une force de séparation, de scission et d'isolation, qui consiste à tenir pour rien tout ce qui n'est pas soi-même. Et à partir de ce maître mot d'inimitié, qui désigne à la fois la haine, le rejet, et jusqu'au désir d'anéantissement total de l'autre, Achille Mbembe décrit une conception du politique apparue dans les démocraties libérales avec les guerres de colonisation, et qui triomphe aujourd'hui. Alors on peut relever plusieurs éléments qui caractérisent cette idée du politique. D'une part, le fait de tenir systématiquement l'étranger pour une menace, et d'autre part, la tendance aux mesures d'exception, ou à la violation du droit institué, sous prétexte de protéger ce même droit. Ce à quoi l'on assiste, en un mot, c'est à une nouvelle interprétation des rapports entre la violence et la loi, et à de nouveaux arrangements entre la sécurité et la liberté. Ce qui signifie que dans le domaine du droit, plus grand-chose ne semble véritablement acquis, à l'heure où l'on entend surtout parler de suspension de liberté ou même de déchéance de nationalité. La crainte d'être envahi et même de disparaître conduit à ce que l'auteur appelle un désir d'ennemi, c'est-à-dire le désir de créer de l'antagonisme, d'imaginer une menace permanente pour pouvoir mettre à distance ce qui ne nous ressemble pas. Pour reprendre une expression de Bergson, on pourrait dire que l'idéal politique partagé par beaucoup aujourd'hui, c'est celui qui consisterait à vivre dans une société close. Se pose alors une question qui, pour Achille Mbembe, s'était aussi posée dans les sociétés non occidentales colonisées. Au vu de tout ce qui se passe, l'autre peut-il encore être tenu pour mon semblable ? La charge de l'autre étant devenue si écrasante, ne vaudrait-il pas mieux que ma vie ne soit plus liée à sa présence ? À partir de là, l'enjeu principal du livre peut se formuler de la façon suivante. Selon quelle idée du politique voulons-nous vivre ? Pour l'instant, c'est celle de Carl Schmitt qui a l'air de triompher, avec l'idée selon laquelle la distinction spécifique du politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Selon cette doctrine, le champ du politique commence à partir du moment où sont identifiés des ennemis, c'est-à-dire tout à fait concrètement ceux avec qui l'on pourrait entrer en guerre et donc que l'on pourrait tuer. Et pour Achille Mbembe, le monde de Schmitt est bel et bien devenu le nôtre, puisque la discrimination de l'ami d'un côté et de l'ennemi de l'autre est partout à l'œuvre. On a beau ne pas vraiment savoir quelles sont les caractéristiques de cet ennemi, il suffit de prêter à l'autre une volonté tenace de nous nuire pour qu'il remplisse très bien cette fonction. Dans cette optique, le politique consiste, je cite, « en une forme de regroupement en vue d'un combat ». Et donc pour l'auteur, est-ce que cette violence caractérise spécifiquement les démocraties d'aujourd'hui ? Eh bien disons que la démocratie occidentale a voisiné avec la violence dès son apparition, ce qu'on oublie assez facilement parce que cette violence s'exerçait surtout au-delà du territoire national. Et c'est cette violence initiale qui fait dire à Achille Mbembe que la démocratie a deux faces, une face solaire et une face nocturne, dont l'empire colonial est l'emblème majeur. Donc l'apparition de la démocratie est inséparable pour lui des plantations de canne à sucre et des guerres coloniales. Donc le rejet de l'individu indésirable n'est en fait rien de nouveau en politique, il a cours depuis que la démocratie moderne existe. Et alors à la lumière de ces analyses, quelle est la proposition ? Qu'est-ce que Achille Mbembe propose ? Eh bien pour chercher des remèdes à cette situation, il fait référence à Frantz Fanon, l'intellectuel et militant français qui est né en Martinique en 1925 et qui s'est battu pour la décolonisation des pays d'Afrique, en particulier en Algérie. Et c'est à la lumière des œuvres de Fanon qu'Achille Mbembe soumet à son lecteur ce qu'il appelle une éthique du passage, qui doit promouvoir des relations basées non plus sur la mise à distance presque automatique de l'autre, mais sur la reconnaissance de ce que nous avons en commun. Il y a ce qu'Achille Mbembe appelle une pharmacie de Fanon, qui ne s'appuie pas sur la conservation à tout prix d'une identité nationale qui est en fait accidentelle. Elle s'appuie plutôt sur une façon d'habiter les lieux que l'on traverse en parvenant à se détacher de l'endroit d'où l'on vient. Ce qui rendrait plus facile en fait une véritable rencontre entre individus qui est d'après ce livre l'expérience dont notre présent manque véritablement. Merci. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de cet ouvrage, Colomba ? Alors ça s'appelle « Politique de l'inimitié » et c'est publié aux éditions La Découverte. Merci Colomba. Et merci à vous Yann Moulier-Boutan pour cette passionnante émission. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Liberté, Égalité, Blablabla est sorti en 2012 aux éditions Autrement et que vous co-dirigez la revue Multitude. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Sharon Oury, la merveilleuse Sharon Oury qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourda, Lila Bozès, Anaïs Isbert, Thomas Beau à la préparation et Sonia Leglen à la réalisation. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Jean-Guilain Meige. Demain, vous retrouverez Adèle Van Rett pour Les Chemins du Vendredi, qui vous propose chaque semaine des grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Demain, Adèle Van Rett sera en compagnie du philosophe Robert Misrahi. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les émissions de notre semaine consacrée à la démocratie en question sur notre site. Vous pouvez podcaster les émissions et les écouter quand vous voulez et où vous voulez. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.